Bon, ceci dit, Gérard, tout en cherchant, est-ce que tu peux te concentrer encore à Sophie et à Maëlle? On regardera après dans le dictionnaire. Donc, ouais, donc je te disais, Gérard, que ben, je mange essentiellement des légumes, des fruits, des choses comme ça. Et pour compenser, c'est vrai qu'au début, c'était des petits bonbons, des choses. Enfin, bref, et puis aujourd'hui, c'est des choses comme sans sucre. D'accord. Ah, ouais, non, mais de toute manière, des trucs. Pour voir toi, ton côté, ce que tu as envie de faire, dans ce cas-là, c'est à toi de prendre. C'est à toi de voir. Oui. Parce que de toute manière, c'est pas quelqu'un qui peut avoir te le dire. Si tu veux voir un docteur, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te donner des médicaments. Les médicaments. Alors par exemple, on va mettre en situation, parce que je ne sais pas si c'est vraiment clair dans la tête de Sophie et de tous ceux qui vivent ce problème au quotidien. Donc on est dans le cabinet. Voilà. Hein, je suis médecin, Gérard. On va faire donc Sophie est spectatrice. Ouais. Je suis médecin. Toi t'es le patient, Gérard. Qu'est-ce que tu voulais dire là? Qu'est-ce que tu voulais expliquer le fait qu'on aille voir un médecin? Que le médecin dise quoi? Non, mais le médecin, bon, c'est... Alors, par exemple, bonjour, non, monsieur. Alors, on va mettre en situation pour que les gens comprennent vraiment bien la difficulté du médecin. Donc, Gérard, on y va. Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur. Quel est le problème? Ouais, voilà, je viens vous voir parce que je voudrais maigrir, parce que je suis un peu gros. Ouais. Quel est votre problème? Pourquoi vous avez arrêté de grossir? Ben, disons, c'est que j'ai pas toujours les mêmes repas et je fume beaucoup. Ah, ben, combien de cigarettes fumez-vous par jour, monsieur? 20 cigarettes par jour. 20 cigarettes, d'accord. Est-ce que vous envisagez d'arrêter de fumer? Ben, c'est un peu dur parce que moi, si j'ai pas ma cigarette le matin, je ne peux pas. D'accord, mais une cigarette le matin ne veut pas dire 20, donc vous pourrez très bien arrêter d'en fumer 19 et en garder une pour le matin. Oui, mais dans la journée, j'en fume quand même 19. D'accord, alors, qu'est-ce qui vous amène dans mon cabinet? Ben, moi, je voulais savoir comment arrêter de fumer. Ben, je vais vous conseiller donc le patch, hein, que nous allons mettre sur vos boutons. D'accord. Mmh. Ensuite de ça, bien entendu, vous allez arrêter la cigarette et vous allez me prendre deux tubes de d'antesmas. D'accord. Vous m'en prenez le matin et le soir. Et on se revoit dans un mois. Mmh. Alors ça, c'est un truc qu'il ne faut pas faire ou c'est ça, Gérard, justement? Non, mais en fin de compte, pour arrêter de fumer, je pense que c'est pas l'histoire du badge. On croit que c'est une histoire de... J'ai pas dit badge, hein, j'ai dit patch. On parlait de patch. Ouais, la fameuse vignette. Voilà. Pastille verte. Ouais, 99. Ouais, la pastille verte. Toi, la pastille verte, je serais mieux de toi, je la collerai là. Voilà, non, sur la bouche. Toi. Non, c'est toi, Fildar. Non, Fildar. C'est toi. C'est pas Manu. Même pas ça, c'est le doigt, Manu, d'accord Manu. Ouais, okay. Ça, ouais. Bon, alors, pour conclure, qu'est-ce que tu voulais dire sur les médecins? Après, on va arrêter là, parce qu'il y a Jim Caton, qui est animateur radio de Fun Radio Carcassonne, et qui a une maquette à nous faire écouter, et puis je pense que Sophie, ensuite, se débrouillera comme une grande. Oui. Non, mais de toute manière, moi, je peux pas lui conseiller, c'est d'aller voir son médecin et c'est tout. Hein. D'aller voir son médecin traitant. De toute manière, on peut rien lui conseiller si y a peut-être un truc qu'on peut lui conseiller, c'est éviter de fréquenter les gens qui fument. Ouais, mais enfin bon, tu vas pas non plus t'interdire de rencontrer, de continuer à voir des gens que t'aimes bien ou des amis ou de la famille parce qu'ils fument. Moi je ne fume pas. Manu, Filda, Rigaud, Olivier, toi tu fumes. Voilà. Et ça m'empêche pas, je vais pas demain de dire, bah écoutez les gars, je suis désolé, je peux plus faire d'émission avec vous, vous fumez. Voilà, c'est ça. Attends, Sophie, qu'est-ce qu'elle dit, Sophie, tu dis? Je sais que le fait d'être entouré de fumeurs, des amis qui fument et tout, c'est pas grave, ça me tente pas, je veux dire. D'accord, elle est plus forte que ça. Quand on a décidé d'arrêter, peu importe si des gens autour de nous, c'est pas grave. Exactement. Non, mais je trouve que c'est ça la force. Mauvais. Non, mais il y a quand même un truc, Sophie, qui peut se dire, c'est que tu fais quoi comme travail sans indiscrétion? Je fais une école de pub et en parallèle, je bosse dans une agence immobilière. Ah ouais, donc tu peux avoir des gens qui fument autour de toi? Oui, tout à fait, oui. Est-ce que ça te dérange ou pas, la fumée? C'est ça que la question maintenant, que... Plus ça va, franchement, oui, plus ça va, plus ça m'insupporte, oui. Ouais, mais Et pourtant, oui, effectivement, après un repas ou, je sais pas, quand je prends un café ou quoi, c'est vrai que sais pas, j'ai envie d'une clope et... Non, mais par exemple, si tu vas arrêter de fumer, bon, par exemple, moi je te dis, je te propose une cigarette, admettons comme ça, je te propose une cigarette. Bah, vas-y, demande-lui. Est-ce que tu veux une cigarette, Sophie? Non, je te remercie. Non, pourquoi? Parce que t'arrêtes de fumer. Donc c'est la volonté de dire non à la personne qui te proposera une cigarette. Maintenant, si t'as un problème dans les alentours... Ou autre. Dans les alentours de la personne qui fume, donc c'est à toi de dire, quand tu vas dans un restaurant, de dire, bon, moi, je vais à un côté non-fumeur. Parce qu'il y a des côtés fumeurs et des côtés non-fumeurs. T'as vu à la vitesse où il va, le gamin, en 30 secondes, il te fait passer d'une question pour te dire que dans un temps, faut bien demander un endroit non-fumeur. Alors que la question à la base était de savoir s'il y a des gens qui fumaient dans ton entourage. Ah mais attends, c'est ça aussi la force d'un animateur radio. Exactement, exactement. Non mais tu vois, c'est moi, personnellement... Gérard, une question qui n'a rien à voir. C'est toi qui te coupes les cheveux toi-même? Pourquoi? Parce que ça te gêne Il y a un côté où t'es pas coupé, l'autre côté où t'es coupé complètement. Il doit y avoir à peu près une différence pour de ton côté de cheveux d'à peu près. C'est moi. On va dire, allez, pour que les auditeurs s'imaginent un peu la tête de Gérard en ce moment face à moi. Non, je m'en fous. De 10 bons centimètres d'écart. Je m'en fous. Il doit y avoir 10 centimètres d'écart entre chaque côté. Je m'en fous. D'accord. Attends, parenthèse. Oui, pour terminer. Max, toi t'as fumé combien de temps? J'ai dû commencer, je devais avoir un petit peu, hein, mais 16-17 ans, j'ai commencé à fumer sérieusement, je devais avoir pas loin, ouais, dans 18 ans. Ouais. Entre un paquet, entre 10 cigarettes et un paquet par jour, tout est vendé des journées. C'était du jour au lendemain. Du jour au lendemain, en vacances, ouais. De manière, tu peux pas t'arrêter comme ça de fumer. Ah bah si, je l'ai fait du jour au lendemain. Faut avoir la volonté d'arrêter. Non, mais on a pas dit le contraire, mais on peut arrêter du jour au lendemain quand on a la volonté. La chose la plus mauvaise à faire, c'est de dire qu'on va passer d'un paquet à 10 cigarettes, de 6 à 9, 9, 8, 7, 6. Après, on se met des dates. Après, j'arrête le 1er avril, le 31 décembre, c'est foutaise, ça. Exactement. Parce que quand on voit le compte à rebours arriver, à un moment donné, on peut plus, c'est ça qui te fait flipper. Faut arrêter, faut être radical. Exactement. Comme la drogue, on se dit pas, on se pique plus 3 fois par jour, 2 fois, puis j'arrête. C'est radical. Ça, je m'en fous. Moi, il y a une chose que je veux dire, c'est si vous voulez arrêter de fumer, c'est à vous de le faire. Mais il faut avoir la volonté de le faire. Ça, c'est pas quelqu'un qui va le faire à ta place, oui. Là tu vois, arrêter de fumer, non, je pourrais pas. Arrêter de gueuler non plus, d'ailleurs. Non. Il y a certains trucs, c'est à la personne, c'est la volonté de la personne. En fin de compte, c'est pas nous, c'est la personne en elle-même a réfléchi dans sa tête. Elle va se dire, tiens, ce soir j'arrête de boire du café. Gérard Pivot. Non mais elle va réfléchir dans sa tête. Elle va arrêter de boire du café. Par exemple, comme ou l'alcool. Mais l'alcool c'est pareil. Mais là tu peux pas, parce que là pour l'alcool faut que... Fildard. Toi, tu t'affirmes, d'accord, parce que... D'autant plus que là, d'autant plus qu'on risque de parler d'un sujet que Gérard maîtrise très bien. Et il est pas très maître en la matière. Attends, il va terminer juste parce qu'il est en pleine thèse, donc vas-y. On finit dans la foutaise, vas-y. Après ta thèse, on finit en foutaise, vas-y. Non, je veux pas terminer sur une merde parce que c'est ton émission. Mais attends, il termine, Sophie, vite fait. T'inquiète pas, je t'enlève pas de l'antenne, t'es avec nous. Vas-y, juste, qu'est-ce que je dire. Sur l'alcool, c'est à la personne d'arrêter. Si la personne n'a pas envie d'arrêter... Mais la cigarette, c'est pareil, Gérard, la cigarette comme le café. Ben non, bien sûr. Non, mais la cigarette, de toute manière, ça t'esquinte tes poumons. Bah oui, mais... Ça t'esquinte quoi? Ça t'esquinte le cœur. Non, mais c'est pareil, je veux dire par là que si t'as pas envie de t'arrêter de fumer, tu t'arrêtes pas de fumer. Si t'as pas envie d'arrêter de boire du café, t'arrêtes pas de boire. Moi, je me bouffe les ongles, j'arrive pas, mais ben voilà. Ouais, mais toi, t'as pas d'ongles. Non, des peaux, moi, les peaux en plus. T'en as pas? Si, j'ai des ongles aussi. Mais toi, t'as un gros cœur. Toi, t'as un cœur. T'as un cœur différent que d'autres personnes. Ouais. Parce que toi, t'es prêt à aider certaines personnes. Je l'ai fait tout à l'heure au McDo. En plus, j'ai payé un repas à une personne. Alors, qui est en difficulté. Voilà. Mais Fildar, c'est pas ton truc. Hein. Je veux dire, Fildar. Non, mais toi, tu te tais, toi. Prends les 24 des lignes, là, il y a les 24 lignes qui sonnent. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous avez 2-3 questions à poser à Gérard, 0-800-75-5000, peut-être que le blind test, du coup, va être reporté à demain. Mais tu leur dis s'ils veulent passer, mais demain, ouais. En tout cas, par rapport à l'IRC, depuis que t'es là, Gérard, il y a plus de 2000 personnes, alors qu'on était une centaine, quoi. Ah bon? Ah ben, c'est bien. Voilà, bravo. Bon, bah, Sophie, conclusion. Oui, non, juste une question. Alors vraiment la dernière mail, on te remercie, on te souhaite une bonne nuit. Oui, merci pour ton témoignage. Vas-y Sophie. Ouais, Gérard, si je sais pas, un jour Sandy et toi vous envisagez d'avoir d'avoir un môme. Oui. Tu continuerais de fumer? Non. Alors attends Sophie. Derrière au standard, vous vous calmez. Moi, je peux te dire une chose. Que le jour avec... si un jour, même si je veux avoir un enfant avec Sandy, et même Sandy, on peut l'appeler en direct, non. Je suis prêt. Pourquoi tu fais un doigt toi? Je suis prêt. Oui, attention, écoutez bien. Sur la tête de Max. Je suis prêt d'arrêter de fumer. On appelle Sandy. Non, parce que là, non, autant j'avais un cœur en or, autant t'es en train de me le faire battre à 2500 km/h là. Hey, oh, tu jures pas sur ma tête, hein, gamin. Non. Tu jures sur ma tête, ce con. T'es taré ou quoi? Non. Ah, mais jure pas sur ma tête, t'es taré ou quoi? Non, mais moi je te jure sur ta tête. Non, mais c'est bon. J'arrête de fumer. On appelle Sandy en direct. Non, c'est pas occupé. Attends, c'est pas toi qui l'appelle. C'est Manu. Occupé. Bah, je l'appelle. Non, mais c'est bon, Manu, c'est pas le numéro. Bon. Non. Eh, hey, fais gaffe. Putain. C'est le numéro, c'est bon. Eh, hey, fais gaffe, parce que... vous. Bon, si vous avez des questions, en tout cas, à poser à Gérard, puisqu'il est là pour la libre antenne, si vous avez des conseils à lui demander sur un... Et puis, il est en forme. Ah, attention. La touche étoile de ton clavier téléphonique. Vas-y, arrête, assieds-toi. Quoi, fantasma? Arrête. Non, t'arrêtes. Pauvre con, va. Oh là là. Pauvre con. Mais gaffe à ta gueule, toi. Parce que je vais pas te louper, hein. Dis-lui. Mais gaffe, parce que je vais pas te rater, là, tu vois. Il t'a raté 15 fois jeudi dernier. Non. Tu me l'appelles. Non mais non, arrête, c'est bon. Il va faire pour se rattraper. Non. Non. Elle te répondra pas. Bah Manu, tu t'appelles Sandy. C'est bon. T'appelles Sandy. Ça fait un number ou pas là? Ouais. Non, c'est ça. Ah bah tu lui as raccroché au nez. T'as coupé, salaud. Oh putain! Eh putain, t'as un bâtard ou quoi? Non, écoute! Mais putain! Mais mets la ligne! Mais là, elle a allumé la ligne! Ah, il l'a coupé! Non, parti! Oh là là, il l'a coupé! T'as raccroché! Recommence! Ouais, recommence. Putain! Mais c'est bon, genre! Arrête! Gérard, arrête, assis-toi! Sophie, excuse-nous, hein! Non, mais y'a pas de mal! Gérard, reste assis! Putain, tu lui l'appelles! Ça y est! Allez, c'est parti. Non, je ne fais pas un faux numéro. Non, tu fais le bon. Moi, je connais pas. Attends, calme, attends. On se calme, tiens, ça va, oh. Oh, la foudre. Attends, calme-toi, oh. Ah, là. Attends. Alors, on appelle chez donc Gérard pour voir si Sandy va bien, va arrêter. Elle est fumeuse? Oui, elle est à la maison. Bonjour, et bienvenue sur Fun Radio. Nous ne pouvons pas vous répondre pour le moment. Putain, toutes les lignes sont occupées. Putain. Arrête. Putain.